envie de suicide. La mort vient te chercher, c'est pas toi qui décide. Malgré tous tes péchés, t'aurais pas dû te dépêcher. On n'aurait pas pu t'en empêcher. Je t'espère heureuse, mais c'est dommage car la vie est précieuse. À la main, revolver, elle pense à toutes ces années de galère qu'elle endure. Elle pense que ça reflète sa vraie nature. Marre de souffrir, elle veut s'enfuir sans peur. Elle place sa balle dans le chargeur. Sur son front, quelques gouttes de sueur. Brisée et son cœur, la balle mise. Devant ce calibre, elle est soumise. Et pourtant si libre, elle éteint sa lumière. Récite sa dernière prière de sa vie. Elle n'en est pas fière, une envie de suicide. À cause de la misère qui le ronge comme de l'acide. En colère, les sous-produits illicites. Clic, clic, vous connaissez la suite. Envie de suicide, la mort vient te chercher. C'est pas toi qui décide, malgré tous tes péchés. T'aurais pas dû te dépêcher, on n'aurait pas pu t'en empêcher. Je t'espère heureuse, mais c'est dommage car la vie est précieuse. Trop d'incohérences dans la tête de l'adolescence. De la quinzaine à la vingtaine, beaucoup de souffrances physique ou morale. Pour un jeune ça fait souvent mal. Parfois la vie est cruelle, pour cette petite qui s'est fait violer dans une ruelle. Pour ce mec en mal de vie qui devient trop superficiel. La chance venue du ciel, pour nous permettre de naître. De mettre notre mal-être de côté. Je ne fais qu'écouter mon cœur, mais parfois la foi nous échappe. On se retrouve seul à la fois. Triste, sans pêche, on s'empêche, on s'endette. On est mal des pieds à la tête. Envie de suicide, de prendre un flingue et de se tirer une balle dans la tête. Certains s'entêtent à suivre le bon chemin, sans penser ne plus revoir demain. Au lendemain d'une belle journée, le sort a tourné, destin est tourné. Dans ta tête, ça tournait. Soudain, ressentant le besoin, tu tiens avec soin ce flingue dans ta main. Sans penser à ta mère, ton père, tes proches qui ont tout fait pour toi. En ayant peu de sous en Porsche, à traîner sous les forges. J'ai vite appris que le bise était bien plus que de l'argent de poche. Mais là, j'ai pas compris ce qui a pu se passer dans ton esprit. T'avais tout pour toi, une mère qui t'aimait, un père qui t'aidait, un grand frère qui te faisait la leçon. Pourquoi sur lui tu dédaignes? Mais pourquoi dans ta tête a régné cette idée malsaine de mettre un terme à ta vie? La vie est courte mais si jolie, en réponse de ta folie. Te voilà parti, abandonnant ta patrie, ta famille, tes amis. Je te dis adieu, car c'est dans ces lignes que ça se finit. Envie de suicide, la mort vient te chercher. C'est pas toi qui décide, malgré tous tes péchés. T'aurais pas dû te dépêcher, on n'aurait pas pu t'en empêcher. Je t'espère heureuse, mais c'est dommage car la vie est précieuse. Envie de suicide, la mort vient te chercher. C'est pas toi qui décide, malgré tous tes péchés. T'aurais pas dû te dépêcher, on n'aurait pas pu t'en empêcher. Je t'espère heureuse, mais c'est dommage car la vie est précieuse. Précieuse, précieuse, précieuse.